enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Madonna, Madonna, Dieu que je t'aime, Madonna, Madonna, un matin sans me voir, tu es passée devant la vieille grille du lycée. Sur ma vie depuis ce jour-là, Madonna, je jure que je n'ai plus pensé qu'à toi. Je n'ai pensé qu'à toi. Madonna, Madonna, je rêvais de toi. Madonna, Madonna, là-bas tu passais toujours sans me voir. Tu marchais dans tes bottes de cuir noir, toujours un parfum derrière toi, Madonna. Et moi j'étais amoureux fou de toi, je ne pensais qu'à toi. Toujours, tu avais cet air lointain, toujours, tu allais tout droit devant toi. Je te regardais, j'étais fier de toi. Madonna, tu étais toujours de l'autre côté, là de l'autre côté. Un jour, tu avais les joues en feu. Un jour, je t'ai vu essuyer tes yeux, un mouchoir serré au creux de ta main. Après, je ne t'ai jamais revu, jamais. Tu n'es plus passé. De toi, Madonna, Madonna, là-bas tu passais toujours sans me voir. Tu marchais dans tes bottes de cuir noir, toujours un parfum derrière toi, Madonna. Et moi j'étais amoureux fou de toi, je ne pensais qu'à toi. Et pourtant, quand j'y pense, je ne peux pas croire que pour elle j'ai pleuré, j'ai même voulu me tuer pour Madonna. Madonna, c'est beau les rêves, Madonna, Madonna, parfois plus beau que la réalité. Je n'ai jamais vraiment autant aimé sur ma vie depuis ce jour-là, Madonna. Je jure que je n'ai plus pensé qu'à toi, je n'ai pensé qu'à toi. Madonna, Madonna, c'est beau les rêves, Madonna, Madonna. Je suis très heureux d'être à cette station, qui est la doyenne des stations du peuple dans la province de Québec. Ça m'a fait plaisir de venir ici. Je suis prêt à revenir au besoin, je veux dire, pour parler avec les gens. Parce que la radio, ça doit être la voix du peuple. Je ne veux pas dire que je suis la voix du peuple, mais ça doit être libre. Alors, libre des annonceurs, libre de n'importe quelle haute puissance. Si c'est pour être la voix du peuple, il faut que ce soit libre d'entendre ce que le peuple a à dire, quel que soit ce qu'il a à dire, je veux dire. parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la province de Québec. Puis la presse de la province de Québec, toute la presse de la province de Québec, hein, l'Action catholique comme tous les autres là, qui sont possédés par Power Corporation, ça parle pas des problèmes du peuple, ça. Puis la radio puis la télévision privée, ça parle pas beaucoup des problèmes du peuple. Ça escamote les problèmes du peuple. Alors, c'est important des radios communautaires pour parler des problèmes des quartiers, pour parler des problèmes des gens abandonnés, pour parler des problèmes des femmes pauvres, puis des hommes pauvres, puis des chômeurs, puis des chômeuses, je veux dire. Puis de préconiser des mesures sociales, comme le revenu de citoyenneté, qui rendra tout le monde libre, je veux dire, un revenu de citoyenneté au-dessus du niveau de la pauvreté. Les barèmes fixés par les organismes sociaux à Ottawa, par exemple. On arrêtera d'avoir des pauvres, puis les gens seront respectés par les gouvernements puis par les commerçants, parce qu'on abuse de la pauvreté. On en profite, la pauvreté. Les employeurs en profitent, puis les gouvernements en profitent. Puis les gens en souffrent. Hein, quand on dit il y a bien du monde qui travaille, des femmes qui travaillent 2-3 jours par semaine, ça ne fait pas un revenu pour vivre, ça. Alors, je vous remercie. Je suis très heureux d'avoir été invité à cette station de radio publique et populaire. Et si on m'invite à nouveau, je reviendrai. Merci et au revoir. Pardon? Mon nom, c'est Michel Chartrand, le 13e enfant de Marie-Joseph-Louis Chartrand et d'Hélène Patnaud. CKRS 89-1. CKRL, ben pardon, oui. CKRL 89-1. Puis mon âge, c'est 89. Oui. 7 ou 8, je pense. Moi, je suis 80. Oh, j'ai à peine 50, mon Michel. Même pas 35. T'as l'âge de ton langage, c'est-à-dire que tu es universel, mon Michel. Il y en a pas beaucoup de monde comme ça. Chaque individu est unique. Mais Michel Chartrand a fait sa place au Québec comme le tracteur dans un champ de blé d'Inde. En parlant de blé d'Inde, excuse-moi Michel, si je passe de Michel à blé d'Inde, mais c'est parce que c'est le temps du blé d'Inde. Tout le monde t'invite pour des épluchettes de blé d'Inde. Premièrement, moi, j'ai vérifié la teneur de ma prothèse dentaire au blé d'Inde de Mme Lemieux. Mme Lemieux, elle, ce qu'elle fait, malheureusement, pour épargner de l'énergie, c'est excellent, mais madame, moi, j'ai rien contre. Banane, da, da, da, da, da, elle y fait pas cuire. À peine revenue dans l'eau, elle te place ça sur le plateau, tu, bien beau mettre du beurre dedans, ça fait pas ramollir le maïs. Puis moi, depuis ce temps-là, là, je les haïs, les maïs. Je les haïs! Il me semble qu'il me regarde en riant. Tu vas me mordre, hein? Sais-tu la différence entre moi et une pierre? Il y en a pas! Et là, j'arrive hein, avec ma conviction que je me ferai pas avoir par un épi de blé d'Inde! Depuis quand un humain, l'hiver, on est des mitaines, mais l'été, on est des humains! Des humains! Depuis quand les humains? Se laisse impressionner par une espèce de blé d'Inde. C'est jaune, ça a des petits picots, ça fait de l'acné faciale, c'est des adolescents depuis je sais pas combien d'années. Comment ça qu'on devrait se laisser avoir par quelque chose qui doit se manger avec convivialité? Il y a des gens autour, là, on est ici pour avoir du plaisir, là. Mais là, le blé d'Inde te regarde avec son grand sourire, là. Ouais, donne-moi, mort-moi, non. Premièrement, il y a trop de monde dans des épluchettes de blé d'Inde. Il y a des gens que tu voudrais pas voir. Tu veux pas voir tout le monde, toi, dans la vie? Moi, ouais, ma petite Bodou, à l'occasion, là, mais pas trop longtemps, parce que il me semble qu'elle parle tellement qu'elle fait des courants d'air. Et moi, j'ai jamais vu une femme faire autant de déplacer de l'air comme ça. Oh, puis là, Dia, t'as-tu vu M. Tremblay? Il me semble qu'il a maigri, même le mieux, hein? Sa fille est enceinte de 2 mois. Elle va peut-être accoucher si elle veut, hein? Mais elle parle d'avortement. Eh, bon, de quoi ça te dérange en quoi, toi, là, là? T'as pas assez de vie, là. T'as pas assez de mouvement dans ta vie. Tu dois toujours t'intéresser aux autres dans leur petite quotidienneté. Voyons donc. Regarde des téléromans. Au pire, on va te raconter des faussetés. Virginie! Est-ce qu'elle va mourir, Virginie, à la fin? Virginie, ben Virginie, là, la télésérie là, qui perdure et qui dure et qui fait dur depuis des années. Tous les personnages, moi, là, ce que je ferais là, pour glorifier un suicide. Hein? Non, mais tout le monde dans la même pièce, là. Puis, je sais pas, ils s'engagent dans une religion. Le rénaldisme. Nouvelle religion, c'est année sur le rénaldisme. Ah, oh, mon Dieu, c'est tous les samedis de 20h30 jusqu'à 22h. Ah, c'est... là, c'est quelqu'un qui est à la radio, hein, au 89.1. Comment? 89.1. C'est une station de radio, ça? Ben oui, c'est communautaire. M. Chartin vient te le dire. Ah, oh, mon... J'ai perdu des bouts. Ça me prend... Premièrement, ça me surprend pas, là. T'as pas juste perdu des bouts, toi. Comment ça? T'as perdu des pièces. Ah! Oh! Tu parles de la troisième vis au niveau du cervelet? Non, la septième, la neuvième et la douzième, sans parler du complémentaire, toi, là, là. Hein? La grosse ligne en métal qui est parallèle à l'armée de ton cervelet qui te fait entrer de nouvelles, comment dire, des nouvelles concomitances dans ton cerveau. Eh, mais concomitances, je connais pas ça. Ah, moi non plus, je connais pas. Moi, je suis pas un neurologue, là. Ah, on le sent bien, là. Monsieur le Président! Monsieur les pas trop cathodiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Ah, ça, c'est indépendant, ça. Ah. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, Rénal Gagné, à l'émission Errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons. On marche pas, nous. Non, nous, on défriche. Ah, oh, nous défricherons, excuse-moi. Nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, ben, moi-même, là, je viens de le dire depuis à peu près quoi? Ça fait 25 minutes que tu t'annonces. Excuse-moi, là, mais l'émission a commencé depuis 7 minutes. 7 minutes? 7 minutes. Ah, ben, ça fait 7 minutes. Ben oui, voyons, là, ça fait pas autant de temps, là. Aujourd'hui, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Plus ça manque de direction, là, puis plus ça fonce dans le mur, puis plus c'est heureux, hein? Oublions les embarras familiaux, les cas, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Les ennuis qui m'attendaient, elle m'a pas déçu. Elle, il fallait que je l'aie, même si pour ça le ciel ou l'enfer m'avalait. Elle est belle comme une princesse de sang, de celle qui rend un homme faible et languissant. Fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs. Comme un adolescent, je déraille bon sang. J'ai la fièvre dans le sang, cette histoire je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. Si j'avais vu l'anneau d'or à son doigt, j'aurais fui. Peut-être et encore. Où veut en venir ce démon quand elle me dit supprimons tout obstacle entre nous. Elle parle comme une princesse de sang, de celle qui rend un homme plus qu'obéissant. J'ai la fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs.

je ne veux pas être loin tout seul. Viens voir ici comme on est bien, quand on est haut, comme on est loin. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter, comment descendre sans tomber. Un peu plus haut, un peu plus fort. Encore un saut, essaye encore. Je voudrais te tendre les bras, mais tu es trop loin, je suis trop bas. Encore un pas, un petit pas, tu es trop loin, je t'aime. Adieu, je reviendrai si je redescends sans tomber. Oh, oh, c'est bon. Que soit c'est haut, c'est haut. Si tu voyais le monde au fond là-bas, oh, oh, oh, oh, oh. C'est haut, ben, je viens de le dire là. C'est beau. Plus loin. Aller encore plus loin. Peut-être bien qu'un peu plus haut, je trouverai d'autres chemins. C'est bon. Premièrement, j'ai un tombre, un tombeau. Oui, t'as un tombeau au niveau de la voix, oui, hein? Une voix morte! Oh, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu! Non, c'est pas celle-là, moi. C'est pas celle-là que je veux te chanter. C'est une chanson typiquement de chez nous. Oh, ben là, ça, c'est de la folklore. Non, c'est pas de la folklorique. Non, c'est une chanson de Claude Dubois. Oh, c'est laquelle? Ben, elle est chantée, elle a été propulsée par Claude Dubois. Pas Dubois, excuse-moi, Dubois. Parce que là, du bois, on en a, mais du bois, on n'en a pas tant que ça. OK. Alors, du bois. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, donc? Qu'est-ce que vous voulez dire? Du bois, il y a du bois dans ma table. Ah oui, du bois, Claude Dubois, oui, une chanson de Claude Dubois, mais qui a été popularisée par lui, mais avant tout écrite par Le Caniche. Le Caniche. Le Caniche, Le Caniche. Starmania, Luc Plamondon, tous les grands succès. Oh, Starmaniac! Ah, t'es maniac. Non, c'est Star Amaniac. Ammoniac, Ammoniac. Tu sais, quand tu sens... Oh, ça pue, ça sent l'ammoniac. Star l'ammoniac. Oh, sors l'ammoniac, champion! J'ai du succès dans mes affaires. J'ai du succès dans mes amours. Je vois toujours des secrétaires. Bonjour, les secrétaires. Et c'est pas là-dessus que je veux faire ma carrière. C'est là-dessus, OK? J'aurais voulu être un artiste, hein, c'est important. J'aurais voulu être... C'est bon, hein? Sens-tu quelque chose, hein? Ben, pas vraiment. Mais attends, je vais la pousser. Oh, pousse-la pas, là. Vous êtes en onde? Non, on n'est pas en onde, non, non. J'aurais voulu être un artiste pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau. Ah! Sur un grand écran en HD. Sur son grand écran en HD. J'aurais voulu être un artiste. pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Et voici les pleurs qui nous enveloppent l'adieu, qui nous recouvrent. Comment? Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, s'il vous plaît. C'est moi le poète. Le poète. Le poète. Le poète. Le maudit. Non, le poète maudit. Ah, le maudit, c'est le poète! Non, non. C'est pas comme ça que ça s'annonce. C'est le poète maudit. Le poète maudit. Alors, dis-le ton maudit. Dis-le! Oui. Et voici les pleurs qui nous enveloppent l'adieu, qui nous recouvrent le cœur, qui étouffent les bruits et puis... La rupture des larmes, le début du drame, et tout se noircit. Oh, ça va bien, toi, mon champion? Ça va très bien. Comment, oui? Ta semaine, c'est bien passé? C'est très bien passé. Bon, et puis, ta douce chérie, tu l'as rencontrée? Je ne l'ai pas rencontrée. Ah! Ça pourrait peut-être se modifier d'ici quelques jours. Je ne crois pas. Oh, jamais, jamais tu n'arriveras. Ben voyons donc, toi, raconte-moi ta vie. Après l'émission. Ben non, là, maintenant, direct. Non, mais le direct, est-ce que tu t'appelles Jeannette Bertrand? Non. Est-ce que tu t'appelles psychologue? Non. Est-ce que tu t'appelles psychiatre? Ben peut-être. Ah, tu prescris des pilules? Ah, non. Ah. Ça fait que ça va très bien. Bon, j'aime ça t'entendre dire ça. Bon, mon double champion. Oui, c'est moi ça. Ouais, c'est ben oui, ben il y en a pas d'autres là, il y a le double champion, puis il y a tes biscuits double chocolat. Oh, quand on est double, hein. C'est plus rassurant que quand lorsqu'on est simple. Et monsieur, comment? C'est plus rassurant d'être double que lorsque l'on est simple. Oui. Et vous, êtes-vous simpliste? Un peu, oui. Bon, t'es motivé? Très motivé. À quoi? À rien. Bon, t'es motivé à rien? À rien. C'est quoi ton but? D'être motivé. Bon. Non, mais j'en connais. J'en connais comme ça qui... On y va! OK, on y va. Alors, Errance Rénaldienne demeure une émission atypique qui se distingue. Est-ce que tu travailles pour les jeunes? Avec les jeunes, pour les jeunes. Et nous, les jeunes, nous vaincrons. Nous vaincrons quoi? La vieillesse. La vieillesse? Ah oui, tu cherches à être un éternel jeuneau. Ben, jeuneau, non. Mais dans la jeunesse. Ouais, mais on peut englober ça dans le grand espace, dans la grande bulle du symbolisme de jeuneau. Ah ben là, je comprends pas qu'est-ce que tu dis. Ben la jeunesse. Oui. Un vieux qui veut être jeune. Oui. C'est un jeuneau. Ouf. Ben un jeuneau. Moi, je connais les éléphantaux, Antonin Artaud. Les petits poteaux, puis Juliette Gréco. Juliette Gréco, je connais moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle chante, Juliette Gréco? Oh, le temps des cerises. Oh non, tu ne nous chanteras pas le temps des cerises. On m'a dit que non. Mon impresario veut pas que je chante plus que deux chansons par émission. Comment ça? Ben, les droits d'odeur, hein, ça pue. Ouais, ben OK, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je veux dire que Errance Rénaldienne demeure une émission atypique qui se distingue. C'est tellement, tu dis des vérités. Jamais vous trouverez un dynamisme aussi soutenu provenant de votre animateur préféré. C'est qui? Je sais pas. Qui s'anime et s'enflamme. On nous a donné. Oui, oui, il va déjà... il a abandonné les couches depuis déjà 3 ans. Ah, oh, il est propre! Oui, il mange à la cuillère. À la fourchette aussi? Oui, mais au petit couteau en plastique. Pourquoi? Il pourrait se blesser. Ah, c'est vrai, faut pas blesser les petits-enfants. Ben non. Alors, cette émission de variété vous présente une véritable différence sous l'excentricité de la création. C'est pas écrit de la création. Oui, je sais, mais j'aime comme ça m'épivarder à travers les mots. Mais c'est écrit véritablement, là, l'excentricité et la création improvisatrice voltige à travers les circuits cybernétiques. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ben, avez-vous un vent? un vent de sagesse, non? Un divan de psychanalyste? Ah, oh, ben là, on a un, mais on l'a vendu aux enchères à CQRL l'année dernière. Oh, au Radioton? Au Radioton. Rejoignons le goéland. Quand le goéland se gratte le gland, tralalala, tralalala, quand le goéland se gratte le gland, c'est pas vraiment pour le beau temps. Quand le goéland se gratte le cul, tralalala, tralalala, quand le goéland se gratte le cul, c'est pas pour le beau temps non plus. Ça, c'est le bonus track d'enfer. Quand les mouettes en pied, il est temps de virer. Comme on a eu pour ça. Mais il n'y a pas grand monde qui se sont allongés. Il n'y a pas d'artistes véritablement. Il y a des gens inconnus. Bon, ben écoute, ben il y a le seul gars inconnu. Il était quand même possiblement dans la haute stratosphère du végétariat. Tous les inconnus, c'est des gens quand même qui méritent d'être connus. Lâche-moi le fait qu'il faut être des grandes vedettes pour se faire voir. Se faire voir. Se faire voir. Se faire voir. Se faire voir. Se faire voir. Voir. W-O-R. OK. Êtes-vous fâché? Un peu. Moi, j'ai la petite grenache ici en bas de la gorge là qui commence à balloter. Quand ça ballotte, là, on dirait que ma pulsion rougit et je deviens ici comme une fauve. Un fauve? Une fauve. Un tigre. Oh mon Dieu. Un lion? Un lion. Un chaton dégriffé? Un peu dégriffé. Qui ronronne encore? Qui ronronne. Veux-tu ronronner? Non, ça me tente pas. Je peux pas ronronner là, parce qu'il est pas encore 21h. Moi, je ronronne juste à 21h. Oh! Alors, on peut pas un avant-goût de ronronnement? Non. Non. Vous pouvez... Non, je ne veux plus, je ne veux pas, je suis perdu. Vous pouvez... Vous êtes monsieur... Pardon, on n'a pas compris. Oui, allô? Vous êtes monsieur... OK. Vous êtes monsieur... Gagner? Gagner? Pourquoi? Pourquoi? On aimerait savoir, là, parce qu'on est en train de faire une émission... Ouais, ouais, ouais. Écoutez, on peut pas bouger, on était ici, sur une chaise électrique, devant un micro. Comment je peux bouger, moi, là? À part les mains, un peu comme certains animateurs, animatrices, je peux pas faire autre chose. Penses-tu que je peux bouger où tu veux que je parte? Je parte vers Sainte-Exumérie ou aller voir Alice Brebis ou aller chanter avec les petits frères des écoles chrétiennes? Alléluia, alléluia, en pyjama, je peux pas bouger, ta radio! Ce qui est extraordinaire, c'est que ce soir, je vous chante une chanson que j'ai entendue plusieurs fois dans les rues, des rues de Montréal. Un musicien parmi tant d'autres, Serge Fiori. Se serre les dents, il est si Ah, c'est pas 21h, c'est 22h. 22h, penses-tu que je peux... Je suis pas mobile, moi! Oui, non. Gagné, gagné, gagné. À me connaître, on ne gagne pas. Alors donc, sur le moteur de recherche, vous pouvez retrouver Errance Rénaldienne, hein, si vous avez Facebook. Vous pouvez devenir membre de cette transmission auditive grâce à Facebook. Il vous suffit d'entrer Errance espace Rénaldienne sur le moteur de recherche de ce réseau social. Et le prochain là, qui va devenir membre adhérent, là, vous aurez un beau cadeau. Je viens de dire ça comme ça. Là. Un beau cadeau. Un beau bonjour là, de votre animateur préféré sur votre mur Facebook. C'est plaisant d'être membre, hein? C'est plaisant. Ou si vous voulez devenir membre Facebook juste de ma propre personne, ben c'est Rénal Gagné. R-A-Y-N-A-L-D, espace G-A-G-N-E, accent aigu. Et je vais vous envoyer une vidéo sur votre mur. Puis à un moment donné, je vais vous empester sur votre mur. Puis là, vous allez vouloir m'extirper. Vous allez envoyer des courriers à Facebook. Enlevez ça, c'est un malade! Il envoie tout le temps des vidéos, puis ils sont pas rigolos, c'est pas un drôle! C'est à peu près ça. Alors, sur le moteur de recherche de ce réseau social, 1, 2, 3 à vos claviers. Qui télécharge mes Gestapos? Non, c'est pas ça. Qui télécharge mes émissions? La Gestapos, c'est-à-dire la police secrète dans tous les États? Un gentleman un peu noir a une poule dans un bar. Offrait champagne et caviar, et on trouverait sa mémoire. Ce gentleman dans son frac disait: poupée, si je claque, je veux que ce soit dans un lac, un lac de cognac. Écoute-moi bien, j'avais 30 ans. Écoute-moi bien, j'étais tentant, je n'avais pas encore de dents en or. Les femmes se battaient pour m'approcher. Regarde-moi bien, qu'est-ce que t'en penses? Regarde-moi bien, tu me trouves l'air rance. Mais fallait, fallait me voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans à Cano Carlton. Ce gentleman un peu noir a tout cassé dans le bar, puis a sorti ses dollars et distribué des pourboires. Ce gentleman dans son frac a dit pianiste Vladisac, joue les vieux airs sans entracte. Allez, joue en vrac, joue-moi Didine. Titine, c'est vrai que tu lui ressembles à ma Titine à moi. Ça s'appelait pas Titine, ça s'appelait Totoche. Et un jour, elle est partie, et hop, elle a plus de Totoche. Elle avait un grain de beauté là, sur la pommette. Ah, mais toi aussi, t'as un grain de beauté là. Des nuits entières, on a dansé le Charleston, Toto, chez moi. En 1925. Plus fort là, on t'entend pas. Allez, joue, joue. Alors, pas un rond, mais vernis, ni clé, chromé, j'étais. J'avais 30 ans. 30 ans. 30 ans. Plus fort, le Charleston, c'est pas la pavane pour l'enfant de défunte. L'été encore dans l'œuf à cette époque-là. C'est jeune et c'est joumou. Hein. Attends, attends, je vais te montrer. Écoute-moi bien, garde la cadence. Écoute-moi bien, qu'est-ce que t'en penses? Il fallait, fallait me voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans à Cano Carlton. L'errance rénaldienne, je pensais qu'il continuait avec... Un spectacle, c'est plus... L'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Mais je me suis rendu compte que j'étais en studio, il n'y avait pas d'applaudissements. Mais c'est ça que ça donne. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, comment? Épuisement. Épuisement du concept, nous mangerons. Est-ce que... Ouais, mais c'est ça, manque-t-il de respiration, ce petit sketch? Pas pour le moment. Non, pas vraiment, là. On sent encore toute la vivacité du mot qui veut s'élever à travers toute cette hiérarchie langagière. C'est vrai qu'il y a une hiérarchie langagière, hein? Il n'y a pas... L'exemple québécisme qui est typiquement de Rivière-du-Loup. Non, mais non, aussi, là, du Québec. Cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, Rivière-du-Loup inclus, nous mâcherons, squeezerons, épluchons des avirons, poursuivrons et élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « fermeture ». Là, la fermeture, on sait pas laquelle. Ça peut être une fermeture d'entreprise, une fermeture éclair, une fermeture de... une chute. Non, mais une fermeture, c'est pas une chute. Ben oui, c'est une fin. Ah, c'est vrai, c'est une finalité. Sauf sur la braguette. Mais encore là, ça ouvre ou ça ferme, hein? Fermeture. Fermeture. La fermeture est quelque chose, quand même, d'assez négatif. Comment ça? Ben, quand ça ouvre, c'est positif, mais quand ça ferme... Ben, on se repose. Quand tu chumes trabraguette... Attends un peu, là, toi. Quand tu chumes trabraguette, toi, tu te reposes. Ben, après, oui. Ben, ouais, une méchante fermeture éclair, toi. Oui. Moi, c'est... Écoute, c'est pas facile, là. Ça part de la gorge jusqu'au bas du talon. Oh, hé, hé! T'es-tu sûr que t'appelles ça une braguette? Oui, mais c'est dans la grande famille. Ben, plus grand que ça, là, tu meurs, hein? Moi, ça me fait penser, tu sais, au sac dans lequel on enferme les cadavres ou on remonte la fermeture éclair, c'est plutôt ça. Ben, c'est ça aussi, là, puis... Ben, la fermeture, on ferme tout aujourd'hui, hein? On veut pas laisser rien ouvert parce qu'il y a des voleurs. Si tout le monde est honnête, tout pourrait être ouvert. Anciennement, on barrait pas nos portes. Hey, à Québec, là, je connais pas, dans les années 60-70, personne barrait la porte. On pouvait rentrer chez ma petite Bodo, se faire un café, ressortir, puis être bien heureux. Aller prendre des biscuits de M. Thivierge, sa 3e avenue, puis aller prendre le jus d'orange de Mme Boivin qui le tord elle-même. Elle tord quoi? Son boyau, son mari et son orange. Oh, dans l'ordre, non. Elle tord son mari au début. Elle dit, tu rentres plus aussi tard que ça. Après ça, elle est tellement gonflée à bloc qu'elle prend tous ses oranges, elle les coupe en deux, puis elle fait du jus avec ça. C'est bon, c'est bon. Alors, plus elle est agressive envers son mari, plus le jus est extraordinaire. Cette semaine, une très bonne cuvée, je vous le dis, moi. Oh, alors il faut y aller. C'est où? C'est sur quelle rue? Ah, ben là, je peux pas... je vais lui demander avant, sinon elle va me tordre elle aussi. Et tu vas finir dans le jus d'orange? Je finirai dans son jus d'orange. Et puis c'est ça, tu pouvais faire le de maison en maison. Ouais, quand tu veux rentrer aujourd'hui, il faut que tu frappes. Ça répond pas du premier coup, hein? Là, t'entends des pas. Oui, allô? Bonjour, c'est Rénal. Qui? Rénal. Rénal. Ben, Rénal Gagné. Oh, Rénal. Puis là, avant que ça décide de tout ouvrir, les barrures, les serrures, les chaînes, les portes, ils ont 18 portes, 58 chaînes, 18 cadenas. À un moment donné, c'est le lendemain matin, puis il faut que tu partes travailler. Fait que tu dis, ben, on te reverra. Oh, c'était de la visite. Ben oui, c'était de la visite. Mais là, prépare-toi. Prépare-toi, ma belle grand-maman. Grand-maman, moi, j'ai pas tout ce temps-là. Là. J'avais 2 heures à te consacrer, puis toi, t'en as 18 heures à tout débarrer tes portes. Voyons. J'avais amené un steak, mais je l'ai mangé tout cru. Oh, qui l'aurait cru? Ben, moi-même, moi-même. Hey. Alors, hey, attends, avant ça, allons-nous placer, hey, voyons donc, t'es rapide, toi, allons-nous placer dans le château symbolique de la francophonie le mot fermeture? Vu notre société contemporaine, malheureusement, oui. Oh non, c'est triste, hein? Pourquoi pas ouverture? L'ouverture d'esprit. La fermeture! La fermeture, ben oui, parce que les gens ont peur. Ont peur de quoi? Ont peur d'avoir peur. Oh. pas concerné, plutôt du genre consterné. Et pourquoi pas, si c'est ce qui va. Tu n'es pas concerné, plutôt du genre consterné. Regarde, voici la mer, comme toi. Maintenant, attention, je vous présente l'incontournable Jane Deville, qui est femme orchestre, tout azimut. Alors voici mon amie, Jane Deville. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson. Limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan. Qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. Today, que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. C'est marre à tout casser, l'évier, le bar me laissant seul comme un grand connard. Le pied dans le plat. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Mon mari nous rejoint. Pardon ? Mon mari nous rejoint. Parfait, parfait, ça va bien. Albert, il ne pourra pas venir. Parce que, non, parce que il doit organiser, je t'avais dit, une soirée. Oui, oui, oui. Mais ce soir, c'est ça ? Oui. Ok. Et toi, tu y vas ? Non, je pense pas. Okay. On a donné l'adresse. Hé, hey, sais-tu, on a un ami en commun. Comment ? On a un ami en commun. Avec Albert ? Non, avec... non, sur notre Facebook. C'est pour ça qu'on se rencontre. D'accord, ok. Tu connais Philippe Perrin ? Parce qu'en fait, nous, on n'était pas amis sur Facebook. Non, non, parce non. Que... D'accord, c'est qui notre ami en commun ? Mais c'est ça, est-ce que tu connais Philippe Perrin ? Alors, le truc, c'est que j'ai plus de 2000 amis, moi. Ok, ok. Alors, ben, c'est un peintre. D'accord. Ah, c'est pour ça, du coup. Il fait, oui, mais il fait aussi de l'art contemporain. D'accord. Moi, c'est de l'abstrait, hein. Oui, exactement. Et toi, ben, tu fais la même chose. D'accord. Hein, c'est vrai. Ah ouais. Alors, j'ai fait quelque chose. Et je fais de la photo urbaine aussi. Oui, oui. Donc ça, je fais de la photo urbaine. Je développe essentiellement au Luxembourg. Ok. Voilà. Et pourquoi au Luxembourg ? Parce que j'ai une commande. Okay. Mais sinon, non, j'adore. J'ai ça tourne pas là. Ben oui. Ça tourne? Ben oui. Ah d'accord, ok. J'ai... Alors, monsieur, on va revenir. Tu veux que je fasse un petit peu le parcours de ma... Voilà. Du coup, bah, moi, je devais faire des... J'ai fait des études de sciences politiques et géopolitiques. Et j'ai, du coup, j'ai pas pu continuer parce que ma famille ne pouvait pas pourvoir à mes finances, exactement. Donc j'ai fait de l'événementiel, etc., etc. Ensuite, je suis devenue maman, j'ai eu des jumeaux très jeunes. Oui, Stanislas et Théodore, très jeunes, voilà, qui font de brillantes études, voilà. Et puis donc... Est-ce que ça s'est terminé aux jumeaux? Ah non, j'ai une petite dernière qui a 13 ans et demi, okay. Anaé, voilà, qui fait du théâtre, parce que aussi c'est mon activité. Mais oui, mais la mer, hein, on n'est pas loin de la mer, là, de la création. Hein. Exactement. C'est beau. Voilà, et après j'ai été journaliste reporter, donc j'ai interviewé beaucoup d'hommes politiques, des stars de cinéma, à Deauville notamment. Donc ça, c'était une grande partie de ma vie, parce que c'était absolument fabuleux. Je faisais comme toi, je prenais mon micro, et sans filtre, j'interviewais les gens. Et c'était pas de la radio, c'était la presse écrite. Non, c'était de la radio. Okay. Donc j'ai même fait une émission de radio. Ici avec Jean Roucas, tu sais l'humoriste. Oui. Voilà, donc on avait une quotidienne de 3 heures par jour quand même. Radio commerciale ou radio Radio Deauvillaise, la radio de Deauville. Okay. Il y a le festival du film américain. Donc voilà, après, j'étais attachée de presse. Entre-temps, j'ai fait de la peinture. Attachée de presse Plusieurs... Alors, ça fait rire tes auditeurs. Un client que je peux citer, mais ça fait rire parce que j'ai travaillé pour le Canada aussi. Canada français, Canada anglais. Lelo, la marque de sex toys. Sont très implantés là-bas. C'est pas de dire pour un joueur sexuel, bien implanté, oui. Voilà, donc j'étais... Mais c'est pas que, je faisais aussi pour de la politique, des start-up, etc. Et donc je continuais toujours la peinture, bien évidemment. J'ai écrit un roman qui s'appelle Inconditionnel. À quelle année? Alors écoute, mes fils, Anaï devait avoir 3 ans, donc c'est il y a une dizaine d'années. Ok. Voilà, qui s'appelle Inconditionnel, que je n'ai pas encore sorti. Ok. Mais non, mais je ne veux pas. Je suis un peu sur tous les fronts, mon cher Rénal. Oui, tu touches à tout. Hein. Je touche à tout, exactement. Mais qu'est-ce qui t'a fait prendre le crayon pour écrire un roman? Alors, le roman, justement, alors ça, c'est très. Donc, ta question est très pertinente. Tous les soirs, donc j'étais avec mes 3 enfants, et tous les soirs, je pleurais, j'avais le spleen. J'étais pas bien, mais pas bien du tout. Et je ne sais pour quelle raison, bon, j'avais déjà l'idée du roman depuis une vingtaine d'années, enfin depuis 15 ans. C'est quoi j'étais ? Et en fait, ça a mûri, si tu veux. Et en fait, il fallait qu'il sorte. Donc, j'ai pris un cahier, un crayon, et j'ai écrit tous les soirs, comme de l'écriture automatique. Et comme je faisais pour mes peintures. Oui. Mes peintures, c'est l'écriture automatique. Non, mais ça sortait comme si quelque chose me dictait comment les couleurs, les formes. Parce qu'en plus, je peignais avec mes mains tout ce que tu vois. Donc, tu pourras renvoyer à ton Facebook. Tes auditeurs, donc ils pourront voir certaines de mes œuvres, c'était avec les mains ou des objets qui me tombaient sous la main, tu vois. Et donc, alors, du coup, pour revenir au roman, effectivement, tous les soirs je pleurais, et jusqu'au jour que j'ai décidé de prendre un bloc, un stylo, et j'ai écrit. Donc, j'ai écrit en 2 mois. Évidemment, j'ai fait des mois de correction parce que c'est pas tant de le. Tu feras des montages? Non. Ah, t'as pas de montage? Non, okay. non, c'est dans le jet. Ok. Pourquoi tu la caches toi? Parce que je voulais demander une cigarette. Non, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Ok. Excusez-moi. On a pas cette chance. Hein. Voilà. Et donc du coup j'ai fait des mois de correction, de relecture. Et alors ce qui a été terrible, c'est de sortir de l'écriture de ce roman. Parce qu'en fait, si tu veux, je vivais avec mes personnages. Ils t'ont vampirisé. Comment ? Ils t'ont vampirisé. Ah ben complètement, je vivais avec eux, et pour retourner dans cet univers-là avec mes personnages, je le relisais, je te parle d'après les corrections. Ah oui. Donc je l'ai montré quand même à des professionnels, pas des professionnels de l'édition, hein. Des professionnels comme j'avais un professeur de lettres appliquées, tu sais, mais vraiment très très très fameux, comme on dit, très pointu, qui faisait en plus des conférences sur les Malraux, sur les Stendhal, sur les voilà, donc, et qui m'a fait une note de lecture, j'en ai pleuré, m'a dit c'est juste superbe. Il m'a dit, il faut absolument que tu le publies. Et c'est mieux ces gens-là que des... Oui, exactement, exactement. Oui, parce que là, c'était pas dans un but commercial. Non. Tu vois, c'était vraiment une œuvre de lecture d'un illustre personnage qui connaît la littérature par cœur. Bon, bref. Et je l'avais aussi fait lire c'est une librairie, c'est pas n'importe qui, parce que le type en question qui s'occupe de toute la partie roman, c'est une pointure très connue dans Paris. Très très connu, d'ailleurs toutes les émissions viennent le voir pour avoir l'avis de son avis à lui. Chaque rentrée littéraire, ils reçoivent à peu près 600 livres. Hein. Il est tellement difficile, tellement exigeant que il lit la première page, si ça lui plaît pas, il balance le livre. Voilà, donc comme ça c'est fait. Exactement. Et du coup, il m'a dit non, il faut absolument que tu le publies, c'est très très bon. Il m'a dit c'est très très bon. L'écriture est légère. En plus, le rythme est assez soutenu, tu vois, il n'y a pas de lenteur, il n'y a pas de machin. C'est un univers que tout le monde aime bien, c'est l'univers un peu aristo, mais en même temps, c'est un thriller avec la manipulation d'une jeune fille de 16 ans. Sur son papa, sur tout son univers, son environnement, bref, voilà. Donc, mais qu'est-ce qui t'a amené cette histoire-là? Alors, tu sais, encore une fois, c'est comme l'écriture automatique, je ne saurais te l'expliquer. C'est comme ça, c'est comme si un esprit m'avait donné cette idée-là. C'est pas du tout ma vie. Alors, il y a toujours aussi, il y a quand même une forme de soi qu'on va mettre, qu'on va appliquer dans l'écriture de ce texte ou de son roman. Mais c'est pas ma vie en tout cas. Effectivement, il y a quand même des ressemblances entre mon héroïne et moi. Dans le fonctionnement, cette personne qui le sait, c'est toi. Ouais, exactement, dans l'art de la manipulation, mais pas malsaine. Hein. Non. Dans mon romancier, elle est malsaine. Après, je pense que toutes les femmes qui m'écoutent. Toutes les femmes qui m'écoutent, elles savent aussi manipuler un petit peu. Oui, exactement. Voilà. Et puis, donc, alors, par rapport à la photo urbaine, alors, ça m'est venu tout naturellement. Moi, je suis fascinée par tout ce qui est immeuble. Alors, évidemment, je suis parisienne. Les immeubles, l'architecture, je suis fan. Donc, il faut que je capte, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre là l'immeuble parce que j'ai décidé de faire une photo. Il faut que je sente la vibration, quelque chose qui m'interpelle. Exactement. Et tac, je saisis, après je fais des retouches de lumière, de contraste, etc. Il y a du noir et blanc. Il y a du noir et blanc, oui. Numérique ou... Ah non, je fais ma iPhone et mon meilleur ami. Je travaille avec. aujourd'hui, eh ben, je continue toujours la photo urbaine. J'ai arrêté la peinture parce que c'était beaucoup. En fait, c'était une sorte d'exorcisme. C'est-à-dire qu'en fait, je peignais pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Pas toujours dans des états nickel chrome, si tu vois ce que je veux dire, parce que comme tout peintre, comme tout artiste, on a besoin d'être un petit peu dans un état second. Et le problème, c'était tellement énergivore, c'était chronophage aussi. Donc j'arrêtais. Puis étant maman de trois enfants, bon, ouais, c'est ça. Tu peux pas. Être une artiste, c'est un chemin que. Voilà. Donc, mais la, non, mais la peinture, c'était vraiment, c'était pas bon, parce que c'était. Moi, quand je finissais une toile, je tombais carrément. C'était comme, tu sais, comme les chamans. Ah oui, ok. Tu vois. C'est suicidaire. J'avais. Oui, c'était. Ouais, ouais, c'était impressionnant. Mais je tombais carrément. Okay. C'est comme un exorcisme. Donc ça, j'ai arrêté, et puis j'ai fait l'écriture, la peinture, donc comme tu le sais, et puis la photo urbaine, donc là, je travaille avec le Luxembourg aujourd'hui, et je suis, alors on m'a demandé, donc j'ai un de mes amis qui est auteur de pièces de théâtre, qui est assez connu, qui s'appelle Cécile Moriginer, qui m'a demandé d'être son agent. Alors je suis aujourd'hui agent d'auteur de pièces de théâtre, on a 4 pièces sur le feu. Okay. J'ai rencontré Monsieur Jean-Luc Moreau, quand même, un des plus grands maîtres. En même temps, ils viennent te chercher. Ils viennent me chercher, et exactement. Tu apprends, parce que tu vas au théâtre comme moi, je vais au théâtre, mais tu n'as pas une formation en théâtre. Alors, j'ai fait si. Alors, en tant que si, parce que quand on est. Souvent, les jeunes et les belles filles veulent être actrices, évidemment, ce que j'étais à l'âge de 18 ans. Oh, c'est gentil, Rénal. Et du coup, j'avais fait les cours Périmonie. C'était les cours. On parle souvent des cours Florent, mais les cours Périmonie, c'est vraiment là. C'est le haut du panier, quoi. Donc, j'avais fait, etc. Donc, j'ai quand même si une petite formation de théâtre. Mais si tu veux, comme j'ai écrit, comme j'ai ce côté artiste, alors j'ai ce côté femme d'affaires parce que je suis quand même aussi dans l'immobilier, hein. Mais j'ai ce côté artiste, donc du coup mon ami m'a dit « Jen, je veux que tu sois mon agent ». Et donc pour ceux qui connaissent le théâtre français, Jean-Luc Moreau, qui est quand même un des plus grands metteurs en scène, qui est connu et reconnu, qui est un homme extraordinairement simple, non seulement il est talentueux, oui, ben moi je l'ai rencontré la semaine dernière, il y a 10 jours, il est délicieux, c'est un homme, de toute façon il a eu plein de prix, enfin je veux dire, sa renommée n'est plus à faire, hein. Donc, ça c'est clair. Mais pourquoi tu as frappé à ta porte? Je ne sais pas, parce que j'ai un gros relationnel parisien, français et international, et que j'ai du bagou, et que j'ai la tchatche, je pense qu'on l'aura remarqué. Donc ça s'est fait comme ça. Et j'essaye de vendre les... Enfin, j'ai trouvé les théâtres, et maintenant il faut les productions. Et comme depuis les gens ne vont plus au théâtre, les gens ne vont même plus au cinéma. Enfin, je veux dire, c'est une boucherie, quoi. Excusez-moi, j'allume une cigarette de repas. Faire l'incitation à la. En plus, je suis pas fumeuse. Hein. Et de temps en temps, je me fais une cigarette. Seulement quand tu prends un ballon. Un petit ballon. Ouais. Là, j'ai pris un Côte du Rhône. T'as pris quoi, toi? Même chose que toi. Côte du Rhône. J'ai dit, je vais prendre la même chose. J'ai hésité. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Ben un moi vrai aussi, plaisir. Moi aussi. Mais je veux revenir à ces gens-là qui te demandent de travailler pour eux. Alors, d'abord, j'ai un bon feeling avec les gens. Tu vois, je suis quelqu'un qui ne me prend pas au sérieux, contrairement à beaucoup de Parisiennes, tu sais, qui pètent plus haut que leur cul. Un poulet. Un poulet, ça dit? Oui. Oh, mais d'accord. Oui. Voilà, qui pètent plus haut que leur cul. Oui. Donc moi, je suis quand même relativement simple. Je suis plutôt du genre, tu vois, si je vois quelqu'un dans la rue... qui était dans le besoin, je vais aller lui parler, etc. Okay. Donc je suis vraiment quelqu'un, je suis très humaine. Ah oui, très très très important le partage. Moi, c'est vraiment le fondamental de ma vie. Par exemple, tu as inculqué ça à tes enfants, c'est merveilleux. Ah mais j'ai inculqué ça à mes enfants. Ah bah oui, parce que je voulais aussi. J'ai à dessein aussi. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui fait de l'humanitaire. D'aller en Afrique pour j'avais ce projet de partir au Tchad, mais bon, le Tchad c'est assez dangereux, avec mes fils d'ailleurs, mes jumeaux, Stanislas et Théodore, et pour aller aider le matin, c'était pour aider les femmes qui étaient illettrées, d'accord, pour leur enseigner le B.A.B.A. et l'après-midi de s'occuper des enfants, de jouer avec eux, etc. etc. Voilà. Bon, mais bon, ça s'est pas fait parce qu'effectivement, c'est, à l'époque, ça reste encore un peu dangereux, très dangereux. Et c'était pas d'emmener des enfants de garçons de 16 ans. C'était leur vie. Oui, non, mais ils étaient d'accord pour partir. Oui, mais bon, après, à quel prix, voilà. La prise d'une vie, c'est quelque chose. Exactement. Donc, mais je dois partir en Afrique avec mon ami. Enfin, pour visiter. Pour rencontrer. Comment? Pour visiter, pour rencontrer le peuple. Ah non, pour faire un cap. Non, pour vraiment mettre les mains à la pâte. Quoi. Ah oui, l'humanitaire. Ah oui, non, mais vraiment, oui. Ah oui, mais oui. Je vois pas l'intérêt de partir. Alors oui, l'Afrique, c'est effectivement, pour moi, on a pillé l'Afrique. Hein. Je veux dire, c'est le berceau de l'humanité. On a complètement pillé l'Afrique. C'est toutes ses richesses, sa faune, sa flore. Mais c'est une boucherie. Ouais, c'est une boucherie. Ah non, mais c'est innommable. Donc effectivement, d'essayer de donner une petite pierre, contribuer à la reconstruction, mais en tout cas à la préservation. Ouais. Reconstruction, ça c'est mort, mais à la préservation, parce que je trouve ça, c'est honteux, c'est abominable. Je veux dire, tout le monde a utilisé l'Afrique. Donc j'encourage tout le monde à se sensibiliser à cette cause. L'autre fois, je regarde beaucoup de documentaires animaliers. Par rapport aux défenses des animaux, des éléphants, quelle horreur! Et je veux revenir à toi et à plusieurs formes de création que tu fais. À quel moment, lorsque tu t'es lancé dans la peinture, pourquoi tu as voulu faire de la peinture? Mais c'est comme pour le roman, ça c'est. C'est incroyable. Mais c'est freudien, peut-être. Oui, ça doit être ça, ouais. Mais si tu veux, ça a commencé, j'avais un grand appartement parisien avec des grands murs, évidemment. Et j'ai commencé à dessiner sur les murs, au crayon de papier, tu sais. Ok, pas toi, là, rien, là. Non, attends, ça s'est fait petit à petit. Okay, et donc, à l'époque, il y avait pas mal de... C'était un petit peu comme tu sais, la factory de Andy Warhol. Oui. J'avais beaucoup de passages chez moi. Merveilleux. Ah, mais j'avais des producteurs de musique, j'avais des gens de la peinture. C'est toutes les sphères de la création se retrouvent là. Exactement. Donc, ouais, c'était une sorte de mini factory chez moi. À Paris, en Arbus. Ça, c'était en. Mes fils venaient de naître, donc c'était en 2001-2002. Et donc tous les soirs, j'avais. Alors, évidemment, c'était un peu comme la factory. Hein, ça, on se déchirait un peu pas mal la tronche, allumés, mais voilà. Bah oui, on a. Attends, il fallait que je laisse ce passe. Hein. Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. C'est dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous ta fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores. Et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore. Chante de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça qui dans son cœur se vieillira. L'amour et la jalousie, ne sont pas les jeux d'enfant. Et tu as de la vie, pour souffrir comme les rangs. Et gratte sur ta mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Chante de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux. Sérieux, tu peux Mais en revanche, on avait des gens, des, je dis des producteurs, on avait des, j'avais Julie Depardieu, la fille de Pardieu, j'avais des gens, le fils de Richard Anthony, qui était tous les soirs chez moi, Sarah Marshall, la petite fille de Michel Morgan. C'était un melting pot où on parlait, alors t'avais des artistes, etc. Et donc du coup j'avais un pote qui était artiste peintre, mais confirmé, l'autre qui avait fait l'école Boulle à l'antiquaire renommée à Paris. Et, donc j'avais commencé sur un papier, à, tu sais, format A4, tu sais, les... Ah oui, oui. Et, non, A3, pardon, les grands papiers. Et donc je commence. Et puis bon, au départ, ils se foutent un peu de ma gueule, tu sais, bon. Et puis au bout d'un moment, ils disent, waouh, ils disent là, ça devient intéressant. Et à l'époque, il y avait une exposition de Ça et Tombly, que je ne connaissais pas hein, à l'époque. On dit, mais ça ressemble... En fait, c'était entre Zhao Wuki et Ça et Tombly. Moi, je ne connaissais pas du tout. Bien que j'avais une connaissance de la peinture, mais assez classique. Botticelli, Rubens, etc. Van Gogh, forcément. Et je ne connaissais pas du tout ces artistes-là, tu vois. Et donc, ils disent, bah, là, c'est entre du Ça et Tombly et du Zhao Wuki. Bon. Il dit là, tu devrais, parce qu'il se foutait de ma gueule 15 jours auparavant, mais là ils disent non, tu devrais acheter des toiles. Et j'ai commencé à travailler sur toiles et j'ai fait une production, j'ai exposé à Bruxelles, à Paris, le restaurant L'Avenue, le restaurant des Stars, Avenue Montaigne, ils voulaient m'acheter toute ma création, j'en leur ai cédé qu'une partie. Enfin voilà. Donc, mais encore une fois, c'était une pulsion, tu vois, quelque chose. Mais oui, je ne sais pas, je ne peux même pas l'expliquer. Je ne peux même pas expliquer pourquoi j'avais ce besoin irrépréhensible de créer. Aujourd'hui, j'ai cette impulsion pour la photo urbaine. Alors, non, j'écris des petits textes. Je me suis mise à... Si j'esquisse essentiellement des femmes enceintes. D'ailleurs, sur le mur de ma chambre, j'ai fait des esquisses. Ouais, mais j'aime bien, moi, je suis comme ça. Je prends tous les supports. Après, c'est... Alors, c'est... Oui, mais... C'est la seule personne qui peut donner la vie. C'est... Ah, j'adore. Ah ben moi, une femme enceinte, j'adore. Moi, si j'avais pu avoir 50 gosses... bon, ça aurait été compliqué. La petite entreprise, comme disait Bachot. Ah oui, mais non, moi, j'aurais voulu avoir plusieurs enfants. Ouais. Ah oui, oui, ah, oui. Voilà. Mais quand même, trois, c'est... Trois, c'est bien. J'aurais voulu... D'un coup, c'était pas mal. À 25 ans, c'est du sport. Ah oui, c'est du sport. C'est fou, ouais. C'est du sport, voilà. Mais, alors, t'es une fille de création, t'es une fille de passion. Ah oui, t'es de une passion, fille de pulsion aussi. Oui, c'est ça. Ah mais moi j'écoute, je peux pas faire autrement de toute façon. C'est comme ça. Et puis c'est vrai que j'ai un caractère assez. On m'appelle Dragon Ball. Oh, okay. Je suis assez autoritaire, mais en même temps, je suis très empathique et très généreux. Mais c'est vrai que quand j'ai décidé quelque chose, il faut que ce soit comme j'ai décidé. Pourquoi tu ne peux pas écouter les autres avec leur vision. Ah si si, alors si, au bout d'un moment je suis obligée de reconnaître qu'ils ont raison. Mais c'est vrai que j'ai du mal à... Quand je juge que ce que j'ai dit ou ce que je fais, c'est bon, donc au bout d'un moment, ça ne doit même pas être contestable. Sais-tu comment on les appelle chez nous? Non. Les germaines. Ah oui? Sais-tu pourquoi? Elles gèrent et elles mènent. Elles gèrent et elles mènent. C'est pas mal ça. Je suis une germaine. Voilà. Donc, chers auditeurs, je suis une germaine. Voilà. Mais tu savais pas, c'est québécois. Alors utilise-le dans ton discours. D'accord, je suis une germaine. Je gère et je mène. Ah oui, c'est terrible. Mais bon, ça fait rire les gens parce qu'ils m'aiment bien comme. Mais c'est vrai que ça peut être agaçant. Parce qu'en même temps, les femmes ne sont pas vues comme des êtres autoritaires. Alors, justement, tiens, tu soulèves un... J'étais parce en train que normalement, de... on dit beauté ne va pas avec autorité. Beauté va avec abandon. Mais justement, je tiens à parler d'une chose. Et alors, par rapport à l'autorité des femmes, alors je suis anti-féministe. Je ne les supporte pas. Pourquoi je ne supporte pas? Parce que, d'abord, un homme est un homme, une femme est une femme, d'accord? Donc chacun son domaine de compétences, chacun son rôle, ok, etc. Je suis pour la parité des salaires, je suis pour la parité des droits, effectivement. Mais, excusez-moi, hein, celles qui m'entendent et qui sont féministes, de vouloir se prendre pour un mec, non. Je veux dire, une femme doit être une femme aimante, comme un mari doit être respectueux envers sa femme, surtout pas violent, évidemment. Mais une femme, c'est aussi une maman, etc. Et toutes ces féministes, je ne peux pas les supporter. Et pourtant, je suis quelqu'un d'autorité, hein, tu vois. Donc, c'est ça la contradiction de mon personnage. Ton personnage. Parce que tu te considères comme un personnage. Oh, bah, quand même. Mais à quel moment on a le droit de rencontrer la personne? Est-ce que c'est devant des œuvres humanitaires, devant la société qui nous entoure? Est-ce qu'on rencontre la vraie Jane? Ah oui, là, pour ah bah oui, là, je me mets à nu, hein, là, ce que je entends. Bah oui, sinon, quel intérêt? Non, aucun intérêt. Non, je suis pas là, je suis pas en train de jouer une pièce de théâtre. Hein. Mais dans la création, crois-tu avoir touché à tout? Alors non, je chante aussi. Certains, je reçois des amis, on fait des karaokés. Donc non, j'ai. En fait, si tu veux, alors je ne sais pas. Je voudrais pas qu'on perçoive comme quelqu'un de prétentieux, mais j'ai été définie comme zèbre. Donc les zèbres, c'est des gens qui ont un certain potentiel intellectuel, qui sont empathiques, sensibles et qui touchent à quasiment tous les arts. Voilà. Donc, mais ça, c'est pas prétentieux, c'est ce qu'on a dit de moi. Hein. C'est pas moi qui me suis autoproclamé zèbre. Hein. Donc, tu sens bien que ça correspond. Oui, bah oui, c'est ça. Bah, après, je suis allée voir évidemment sur Google, sur Wikipédia. Oui, effectivement, les elfes, c'est ça. Ils sont pourvus de beaucoup d'empathie, de générosité, de sensibilité, d'extrasensibilité, de compétences intellectuelles assez certaines, et surtout l'adaptabilité et la faculté de toucher un peu à tous les arts. Lorsque tu étais enfant, tu devais être curieuse. Oui, alors j'ai une enfance très très difficile. Ok. Très difficile. Je reviens de très très loin. Ok. Et c'est pour ça que ça t'a forgé, Ça m'a forgé, mais j'aurais pu être une petite connasse qui, excusez-moi pour le gros mot, qui dit ah, parce que j'en ai chié dans mon enfance, alors du coup je vais faire subir à tous les autres. Non. Oui, ça a forgé mon caractère, oui. Ma personnalité, ça c'est certain. Mais par exemple, si demain j'étais célèbre, que simplement je ne serais jamais, mais je ne serais jamais, tu sais, imbuvable ou odieuse ou non. Alors. Parfois, parfois mon comportement, tu sais, parce que j'ai une certaine assurance en moi, on peut taxer ça de prétention, mais non. Je te dis, je suis la première à aller secourir la veuve et l'orphelin. D'ailleurs, tous mes potes, ils le savent, hein, quand ils ont un problème, ils frappent chez moi. Est-ce que parce que tu en as bavé dans ta vie, tu peux comprendre les gens qui vivent des moments difficiles? Bien sûr. C'est pour ça que je suis toujours là pour mes amis. Et donc, là, s'ils sont pas là, mais ils pourront te témoigner. Dès qu'ils ont un problème, dès qu'il y en a un qui est dans la rue, qui a pas quoi manger, chez moi, c'est le refuge, quoi, tu vois. Et lorsqu'on parle de ton enfance, tu deviens très émotive? Oui, un peu moins maintenant, mais oui, pendant une époque, oui, dès que je relatais mon enfance, parce que je devrais même pas être en vie là aujourd'hui. Hein. J'ai été la première à subir l'ablation rénale en France. En fait, on voulait me retirer mes deux. Je suis née avec trois reins, donc deux reins qui étaient morts, un rein qui était viable. Et comme à l'époque, c'était on appelle ça les néphrectomies, l'hôpital, dont je ne citerai pas le nom, a voulu me retirer mes deux reins. Donc je ne serais même pas... Oui, pour le fric. Hein. Et du coup, heureusement, tu vois comme quoi il y a toujours... quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. Hein. Il y avait un ami de mon père qui connaissait un grand professeur à l'hôpital Necker, l'hôpital des enfants parisiens. Et il m'a dit, mais il est complètement taré. Et j'étais la première enfant dont on a retiré les reins. Les deux reins non fonctionnels, exactement. Est-ce qu'ils étaient vraiment non fonctionnels? Ah oui, non, il y en a un qui était mort. Je suis née avec un petit rein, donc complètement nécrosé. Est-ce que ça t'a sauvé, le fait de t'enlever les deux reins? Ah bah oui, je serais pas, bah oui. Bah oui, heureusement. Oui, j'étais donc, tu viens avec un seul rein? Je viens avec un seul rein qui est beaucoup plus gros que les vôtres, parce qu'il compense l'absence de l'autre. Ok, t'en as deux pour un. J'en ai deux pour un, puis mais j'ai perdu mon audition, parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas, et donc ils t'administraient des médicaments. Et ouais, donc ça m'a bousillé, mais c'est pas grave, hein, je vis avec un rein et une oreille, donc je suis une cyborg. Non, mais et c'est dans la souffrance qu'on acquiert des... Exactement. Voilà. Mais pour venir à la création, donc c'est peut-être aussi de ton enfance, ça vient de ton enfance. Alors ça, je ne saurais pas te dire, Rénal, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que lorsque... Excusez-moi, il fait très humide à Paris. Lorsque je... il fait très humide. Lorsque j'étais petite, alors que j'avais pas du tout... J'étais pas initiée à la musique classique. Quand j'avais 10 ans, j'allais chez les antiquaires, j'achetais des vinyles de Mozart, j'achetais des vieux livres, donc j'étais fascinée par la danse. Ah tiens, du reste, tu sais qui est ma grande-tante ? Christiane Vossard, Mais Christiane Vossard, tu connais ? Oui. Non. Ben oui. C'est une danseuse ? Oui. Oui. Mais c'est ma grande-tante, enfin c'est la grande-tante de ma mère. Ok. Oui, qui a été la danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Oui, oui. Et ça, c'est dans les années... 50, ouais. Ah, j'allais dire... j'avais dit... Ouais, tu connais Christiane Vossard ? Oui, je connais, oui. Donc, c'est la grande-tante de ma mère. OK. Voilà, donc tu vois. Alors, qui s'est mariée avec Henri-George Hawkins. Ah, ça, je savais pas. Ouais, et qui était très, qui était un grand aristocrate, très proche de la couronne d'Angleterre. On voit que ça découle de... Alors non, parce que du côté anglais, c'était son mari, hein, moi. Mais oui, je suis issue, oui, descendant de Christiane Vossard. Et maman se souvenait qu'elle habitait au Vésinet. Maman se souvenait qu'elle était reçue en Rose avec des gens en gants blancs. Donc voilà. Ça va nous mener. J'ai 10 questions de la fin. Okay. Ouais, vas-y. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide, alors j'hésite entre un bon Margaux, okay, ou de l'eau. Ok. Mais mettre de l'eau dans son vin, les deux. Voilà, exactement. Ouais, mais enfin non, tu mets pas de l'eau dans un Margaux Cantenac Brown. Non, mon vin préféré, c'est le Cantenac Brown ou Brown Cantenac. Margaux. Allez, je serai un vin. Et c'est onéreux. C'est onéreux. Ouais. Après, c'est pas le Pétrus, hein, non plus. Non, si tu étais... Mais au Québec, le vin est épouvantable. On paye trop cher. Ah oui. Si tu étais une ville. À Paris. Ben oui. Quel arrondissement? Bah Montmartre, c'est pas mal. Moi, j'aime bien Montmartre. Mais tu sois ici? Moi, j'habite... maintenant, j'habite dans la ville des Truands. J'habite le Valois-Perret. Non, mais est-ce que tu viens souvent ici? J'ai habité ici. J'ai habité, donc je connais bien. Mais tu viens régulièrement, une fois par an? Non, pas forcément. Non, pas voilà. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue, mais j'aime bien. J'aime bien parce que j'ai vécu, on a passé des moments fantastiques et... Il y a encore ce côté très populaire. Tu as vu, regarde là le. Mais très bobo aussi. Très bobo aussi. Ouais. Si tu étais une langue. Une langue, le français. Ouais, oui. Avec le petit accent québécois. Ah, c'est pour faire international, francophone. Si tu veux, si tu étais un mot. Un mot? Ouais. Maman. Ah, ben oui. Quand l'enfant dit ça pour la première fois. Maman, pour moi, c'est le plus beau mot de... Ah oui. Ah, oui. Puis là, à la fin, tu veux plus l'entendre. Hein? Maman, alors, ça m'est arrivé, oui. Parce que j'avais mes trois enfants, et chacun à leur tour. Ouais. Maman, puis l'autre, maman. Puis... J'en pouvais plus. Non, ouais. Mais néanmoins, non, pour moi, c'est le plus beau... Le premier maman. Le premier maman. Non, ben oui. Ah, ben oui, le premier maman. Le premier maman est un très beau maman. Oui. Non, mais le mot maman, c'est... Si tu étais une époque... Oula, alors si j'étais une époque, ce serait les années 30. Ah oui. Coco Chanel et tout ça. Inconditionnellement. Ah ben, on est déjà au niveau de l'art déco, l'architecture. Comme je t'ai dit, hein, je suis fan de l'architecture. La décoration, les bijoux, les tenues, les coiffures, l'élégance. Ce côté aussi androgyne des femmes que j'aime, parce que j'ai ce petit côté aussi androgyne. Voilà, ah oui, ouais, à l'année 30, sans ouais. Si tu étais un aliment. Un aliment si j'étais un aliment. C'est vaste parce que. Il y a beaucoup d'aliments. Oui, il y a beaucoup d'aliments. Alors, est-ce qu'on peut le mettre dans les aliments? Ce serait de la gelée royale. Non, mais c'est pas grave. Gelée royale. Parce que pourquoi, et ça je le dis à tes auditeurs, j'étais, ça peut servir, j'étais migraineuse au premier stade. Et donc, je suis allée voir tous les neurologues, les IRM, enfin bref, tous les traitements. À la fin, on voulait mettre un traitement contre les épileptiques. Quand j'ai vu les effets secondaires, j'ai dit oui. Et par hasard, j'ai pris de la gelée royale et ça m'a complètement enlevé mes migraines. J'étais vraiment migraineuse au stade 1. Et là, aujourd'hui? Eh ben, je prends de la gelée royale tous les jours. Ok, donc avant que la migraine arrive, quoi? Ah, voilà, tous les jours. Donc j'encourage, préviens, exactement. Mais prenez de la gelée royale, de toute façon, c'est bon pour tout. Donc un aliment, voilà, c'est pas forcément un aliment, mais... Non, mais pour les mots. Voilà. M-A-U-X. Exactement. Pas M-O-T-S. Pas que ça peut amener les mots. Exactement. Si c'était une saison. Ce serait le... Ah, j'aime bien le printemps. Ah ouais? Ouais. La renaissance? Le printemps, tu sais, avant la transition avec l'été. Ouais, mais ça embrasse l'été, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça, exactement. Après, voilà, exactement. C'est parce que c'est l'ouverture, tu sais, toutes les fleurs, les... Moi, je suis là, je vais vous inviter. Ah. Comme ça change de... Oui, pas de problème, oui. Maintenant, vous êtes en pleine interview. Vous allez bien, je me rappelle de vous. Désolé, moi, je suis la nuit, je suis pas réveillé. C'est pas grave. 6 euros pour vous et 16 pour moi. En tout? Ouais. En tout? Non, si, c'est à la monnaie ou pas? Non, je paye. C'est bien, c'est que les auditeurs ils ont accès. Et ça leur plaît, les auditeurs, d'entendre. Ben oui, ben oui. On fait aucun montage. C'est sans filet. Non. Merci, Rénal. Merci. Et ouais, c'est ça, moi je dis. Alors du coup, oui, c'est parce que c'est là, comme tu dis, c'est la Renaissance, tout était éteint. T'as les bourgeons, t'as les feuilles qui reviennent, t'as les animaux qui chantent, enfin les oiseaux qui chantent, les animaux qui s'accouplent. C'est génial. Et puis cette petite odeur, tu sais, cette transition entre là, t'as l'été qui va bientôt arriver, donc t'as les premières odeurs, c'est génial. Des beaux jours. Ah oui, c'est vrai. Ça annonce aussi la canicule. Ouais, mais non, mais là. Tu as des grosses chaleurs. Alors moi, je crains pas la chaleur. Ok. Tu prends bien. Même le froid, d'ailleurs, ça fait tuer mon mari parce que je dors la fenêtre ouverte. Ok. Voilà. Non, vous, c'est une blague. Là. Parce que moi, j'ai eu 2 heures et demie. Parce que moi, je suis arrivé à Paris aujourd'hui. Oui, je sais, t'es arrivé à 9 heures. Oui. Non. Si. Je suis arrivé à Paris aujourd'hui, mais compte 2 heures de plus parce que l'avion pouvait pas décoller pour 2 raisons. Il n'y avait pas assez d'hommes pour placer les bagages en soute. Ah. Comme il faisait moins 45, les hommes qui mettaient les valises en soute allaient se réchauffer pour laisser de la place. Moins 45 ce matin? C'est pas terminé. Nous, quand on entre dans l'avion, c'est pas des autobus qui nous amènent à l'avion. On place un tunnel. OK, à roulette sur l'avion, OK, on colle ça sur l'avion et on passe par le tunnel de l'intérieur de l'aéroport, OK? Donc, on ne sort pas à l'extérieur. D'accord. Mais là, comme ça a pris 1 heure et demie à placer les bagages, quand ils ont voulu enlever le tunnel, il était gelé sur l'avion. Donc, ils ont dû dégeler. Moins 45. Là, on était rendu à moins 50 parce qu'il était 20 heures. Fait que quand on a décollé, Il était 2h30, on était 2h30 en retard, donc je suis arrivé à 9h30. Tu m'avais dit 9h. Ouais, mais 9h30. 9h30, c'est fou. Puis là, j'ai quelqu'un qui m'attendait, là, Paul Pechler m'attendait, qui est auteur, compositeur, interprète. Là, moi, je faisais de l'anxiété aiguë, là, je faisais de l'anxiété. L'anxiété aiguë. Oui, mais là, je l'ai appelé. Quand on a posé, quand on s'est posé, là, ça vibrait en voulant dire que j'étais branché, je pouvais appeler. Là, j'ai texté, j'ai dit là, malheureusement, je suis encore dans l'avion, je vais dépêcher pour me rendre aux douanes. Puis, mais tout ça, une fois déposé, une fois sorti, ça a pris 15 minutes. Mais parce que je me suis frayé un chemin, là, j'ai presque poussé les gens pour pas avoir ma place. Parce qu'en fait, Paul m'attendait, je voulais pas. Écoute, il était déjà deux heures en attente. Hey, je suis content de te revoir, toi. Ah ben oui. Hey, mais il m'a pris ton appel. Ok, parfait. Ouais, moi, je vais te toucher. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Donc, alors, oui, mais t'as pas fini ta série de questions. Si c'était un moment de la journée. Ah, l'heure de l'apéro? Ah ben oui, comme non, c'est un peu plus tard. L'heure de l'apéro. Ah oui. On est samedi. Oui, tu sais, c'est toujours l'heure de l'apéro dans une partie du monde. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est une belle vision. Si c'était un membre corporel. La bouche. Oui. Pour chanter. Pour chanter. Pour embrasser. Pour embrasser. Pour parler. Pour faire des bisous à ses enfants. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Si tu étais un autre individu. Une personnalité? Peu importe. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Parce que comme lui, j'écris à l'envers, les deux mains. Ah oui? Oui, c'est vrai. Je te montrerai un jour. Alors, tu peux signer des chèques. Ouais, voilà. Mais à l'envers, j'écris en fait, j'écris en miroir. J'écris en miroir. Ok. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Alors, dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets. Mais effectivement, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux, mais je regrette pas. Mais sans le savoir, on pouvait pas. C'est après. Voilà, coup. C'est comme ça. Mais non, je regrette pas. C'est très bien comme ça. À choisir. OK. Donc, à choisir, tu fais le même chemin, mais différemment. Avec quelques petites améliorations. OK. Mais est-ce que ça aurait fait la femme que tu es aujourd'hui? Oui, mais j'aurais perdu moins de temps et j'aurais peut-être davantage réussi. Mais bon, après, je suis pas quelqu'un de vénal ou de, je suis pas carriériste. Après, voilà, tu sais, moi, je suis, comme on dit au Maroc, c'est le Mektoub. Ben écoute, il y a une chanson de Daniel Boucher qui dit « Deviens-tu ce que tu as voulu ?» Deviens-tu ce que tu as voulu ? Est-ce que tu comprends la part ? Oui, bien sûr. Oui, mais voilà. Mais après, c'est vrai que j'aurais pu faire mieux. Okay. J'aurais pu faire mieux, mais bon, c'est déjà pas si mal. J'ai fait trois beaux enfants, j'ai fait des belles rencontres, je suis en bonne santé. Bon, j'ai plein de choses sur le feu pour le boulot. Alors tes projets ? Ben, mes projets, c'est mes pièces de théâtre, c'est de signer pour l'immobilier, c'est de continuer ma photo urbaine, c'est peut-être faire le road trip pour ton émission. Oui, oui, oui. Parce que ça, c'est un bon truc. C'est d'aller, tu sais, tu as regardé le lien que je t'ai envoyé sur Me from Paris. Paris. J'ai lu, mais je n'ai pas vu encore. Donc, en fait, c'est une série qui fait carton plein dans le monde sur tout ce qui est parisien, tu vois, les vernissages, les bons restos. Et avec Albert de Paname, le fameux Albert de Paname, j'espère que tu as regardé son wiki. Oui, je l'ai vu. Je l'ai autorisé comme ami, mais il ne m'a pas encore autorisé. Ouais. Alors, tu lui dis que. Je dirais. Donc, en fait, si ça intéresse tes auditeurs, c'est de faire un petit road trip, tu vois, d'interviewer comme les bonnes adresses, les vernissages, etc. Après, éventuellement, faire des photos et poster sur ton Facebook. Ah ben oui. Pourquoi pas? Ah oui. Ça peut être sympa. C'est un projet. C'est un projet comme bien, donc. Qu'on pourrait faire ensemble. Ah, c'est bien. Ce serait sympa. Est-ce que tu peux retourner à tes anciennes amours? La peinture, non. Non, mais réécrire ou... Pour l'instant, non, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Là. Non, j'ai pas beaucoup de temps. Et oui, j'ai aussi, je m'occupe de l'association de l'Union Européenne. En fait, si tu veux, on fait du bénévolat. On invite des artistes. On a des subventions des États en question pour financer les artistes. Et là, on est en train d'acheminer depuis le Luxembourg jusqu'en Ukraine, des vêtements, des jouets. Voilà, j'ai ça aussi, l'association de l'Union Européenne. Les jouets, c'est des gens qui donnent des jouets. Exactement, mais des jouets pas cassés. Hein, mais... Voilà, donc j'ai ça encore, j'ai aussi ça comme activité. Alors ça fait un peu beaucoup de choses. Et puis j'ai ma fille aussi. Elle est rendue à 13 ans. Ah non, mais c'est encore un bébé, hein. Okay. Ah oui, ah ouais, c'est encore un bébé. Ans, ah ouais, ouais. Les années 80, c'est quoi, 13 ans? Ah oui, non, c'est encore mon bébé, elle dort souvent avec... Pour toi. Ah oui, non, elle dort encore avec maman, souvent. Ah oui, non, mais je sais, ça va offusquer les auditeurs, mais... Non, mais j'adore ça. Non, c'est, on est très fusionnel avec ma fille. Parfait. Voilà. Et tu veux la laisser faire ce que... Elle fait du théâtre, donc elle m'a dit, maman, je veux faire du théâtre comme je suis dans le théâtre, elle veut faire du... donc il n'y a pas de souci. C'est pas une grande intellectuelle, donc je pense pas qu'elle ira à l'ENA. C'est pas obligé. Mais voilà, écoute, non, mais je la soutiens et l'amour, le respect, l'attention, les soins, bien évidemment. Enfin voilà, ça c'est le plus important. Aux mamans qui m'écoutent et aux papas qui m'écoutent aussi. Oui, bah, écoute, pas que les mamans. Hein. Bah, ça prend les deux. Hein, ah ouais, non, bah, un enfant doit avoir. Il a besoin d'autant de son père que de sa maman. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Les deux sont aussi. Ah oui, bien sûr. Ah, oui. Surtout que pour une fille, c'est la référence. Papa. C'est la référence, mais même pour un garçon, c'est très important. Ah, c'est les... Après qu'ils ne soient pas ensemble, c'est une chose, mais qu'au moins les deux soient présents dans la vie d'un enfant. Comment ? Une semaine sur deux, ça c'est une autre histoire. Oui, ça c'est une autre histoire, mais au moins qu'ils soient tous les deux présents dans la mesure des possibilités de chacun, bien sûr. Ouais. Ah, merci d'être passé à Moussou. Hey Jane, c'était incroyable. C'est vrai ? Ah oui, c'était merveilleux. C'est vrai ? Ben oui, pourquoi t'en doutes ? Tu doutes comme ça tout le temps ? Non, mais écoute, je te remercie, moi j'ai apprécié beaucoup. Non, mais écoute, c'est beaucoup apprécié. On est là, on discute et... Ça pourrait durer des heures et des heures. J'ai 15 ans où j'en suis, à la fin ou au début. Stop, stop, encore. J'passe le bac ou j'deviens cloche. J'vais en fac ou au cinoche. J'prends la porte ou je me supporte. J'fume du hache ou des gauloises. J'fais des gags ou des ardoises. J'viens dentiste ou bien artiste. J'quitte mes vieux ou j'reste chez eux. Reste comme ça ou je persévère. Stop, stop, encore. Stop, stop, encore. Stop. J'ai 20 ans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? J'ai 20 ans où j'en suis, à la fin ou au début. Encore. J'ai eu dans l'eau, j'ai fait la manche. Pour les finances, j'ai fait la planche. Pour la rallonge, mes vieux me virent. L'armée m'appelle, c'est encore pire que la vaisselle. Je joue les folles en uniforme. J'ai bâti folle en me réforme. Je reste comme ça ou je persévère. Stop, stop, encore. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? J'ai 30 ans où j'en suis, à la fin ou au début? Stop, stop, encore. Encore. Je marche à voile ou à vapeur. Je me paye une toile ou bien une sœur. Je fais semblant ou bien j'y crois. Je fais des enfants ou bien des croix. Je fais des ronds ou bien des bulles. Je fais faux bon ou bien match nul. Je fais des galas ou des galères. Je reste comme ça ou je persévère. Stop, stop, encore. Encore. Stop, stop, encore. Encore. Stop. Demain j'aurai 150 ans. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? Demain j'aurai 150 ans. Où j'en suis? À la fin ou au début? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Stop, stop, encore.